Merci d'écouter la plus normande des radios, les amis, à Ponto de Mer, comme partout en Normandie. Vous écoutez Espace, il est 18h et voici l'info. L'essentiel de l'actualité, Stéphane Nicolas. Bonjour à tous. Le parquet de Besançon a lancé ce mercredi un appel à témoins pour retrouver un Afghan de 38 ans, soupçonné d'avoir tué la veille son épouse en pleine rue. L'exploitation d'une caméra de la ville de Besançon a permis de mettre en évidence la présence d'un individu qui suivait la victime. L'exploitation plus fine de l'ensemble des moyens de vidéoprotection a confirmé qu'il s'agissait de son mari. C'est ce qu'a expliqué le procureur de la République de Besançon. Sept personnes ont été interpellées dans la soirée d'hier à Lyon après des scènes de violences urbaines dans le centre-ville. Ces sept personnes dont les identités n'ont pas été précisées ont été arrêtées près de la place Bellecour où ont eu lieu des bousculades et des jets de projectiles sur la vitrine d'un fleuriste. C'est ce qu'a précisé la préfecture du Rhône qui a réfuté toute action organisée. Des messages sur les réseaux sociaux avaient été relayés ces derniers jours et des appels à la purge des policiers pour le mercredi 31 octobre, soir d'Halloween, avaient été lancés. La mère d'un nouveau-né retrouvé mort samedi soir à Surzur dans le Morbihan a été mise en examen pour meurtre de mineur de moins de 15 ans et incarcérée. Les secours avaient été appelés samedi soir au domicile de cette famille, à une quinzaine de kilomètres de Vannes. Les médecins avaient alerté la gendarmerie soupçonnant un accouchement. C'est lors de la perquisition que les gendarmes ont découvert le nouveau-né caché dans la maison. Le plus haut immeuble en bois de France a été inauguré à Bordeaux, situé quai de Brienne et baptisé Perspective. Le bâtiment de 30 mètres de hauteur, de 7 étages et comptant 4585 mètres carrés de bureaux pour une dizaine de sociétés, est composé à 90% de bois. Dans les Hauts-de-Seine, la police nationale a diffusé ce mardi sur Twitter un appel à témoins pour recueillir des éléments utiles à leur enquête après un accident mortel survenu samedi sur l'autoroute A86 au niveau de Gennevilliers. Les CRS veulent savoir si le jeune homme au volant a perdu le contrôle de son véhicule ou s'il roulait très vite en slalomant au milieu du trafic. Sur la plus normande des radios, Mars. Retournez sur les tubes, nouvelle heure, nouveau son et nouveau tube avec Willy William et Lalala. L'après-midi sur Espace, c'est Max. La la la la la la la la. La la la la la la la. You better call the officer. Me not afraid to party. How you know me have a full of stamina. Me comfy, boss it up, boss it up. Just tell them me comfy, boss it up, boss it up. When you style me, I back it up, back it up. Hey, go! All I wanna sing is la la la la. But me not deal with blah blah blah blah. Me sing every style, etc. My lass say you can throw a macarena. If you leg up on this phenomena. Me not easy, cause you know me stamina. Mama see, mama saw, mama cosa. I say la la la la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la.

celebration. I wish. All around the world. Hey, hey, it's a backyard party. Oh, a backyard party. We're just having a backyard party. Yeah, we're just having a backyard party. Il est 18h27, quasiment 26 sur la plus normande des radios, et on vous donne rendez-vous à Ponto de Mer ce dimanche 4 novembre 2018 de 8h30 à 17h30 au complexe sportif pour une 25e bourse aux jouets anciens. Voici tout de suite les Rolling Stones, Miss You, et juste après l'info. Yeah. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Lancement de la troisième édition du Mois sans tabac, un défi collectif qui consiste à inciter et accompagner tous les fumeurs dans une démarche d'arrêt du tabac sur une durée de 30 jours en novembre. Dans notre région, selon une étude, à 17 ans, près de 3 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà fumé. 30% fument d'ailleurs quotidiennement, soit 5 points de plus qu'en France métropolitaine. Cependant, sur les 18-25 ans, avec plus de 25% de fumeurs quotidiens, la Normandie se trouve en dessous de la moyenne. En 2017, près de 9000 Normands avaient relever le défi. Cette année, en Normandie, une quarantaine de projets sont organisés pour ce mois sans tabac. Selon les derniers chiffres, la Normandie comptait en 2016 44 donneuses d'ovocytes et 22 donneurs de spermatozoïdes. 61 enfants sont ainsi nés d'un don. L'agence de la biomédecine espère recruter encore davantage de donneurs. L'agence lance donc un appel aux femmes âgées de 18 à 37 ans et aux hommes de 18 à 45 ans. En France, 3000 couples souffrent d'infertilité en Normandie. Au 31 décembre 2016, 164 couples étaient en attente d'un don d'ovocytes. Même si officiellement les squats ne sont pas concernés, la trêve hivernale des expulsions locatives en date du 1er novembre reste souvent suivie d'un gel de l'action des pouvoirs publics face à des situations d'occupation irrégulière. L'association Droit au Logement dénonce d'ailleurs l'expulsion il y a quelques jours de la centaine de migrants et sans-abri de l'ancienne maison de retraite rue du hameau des Brouettes à Armand. Écoutez son porte-parole Bernard Lecouvreur. Les pouvoirs publics ont pris en charge les familles qui auraient déjà dû l'être. Les mineurs isolés qui ont été reconnus mineurs ont été également pris en charge. Mais voilà, ces personnes-là, si elles occupaient les lieux, c'est que la préfecture ne faisait pas son travail. Mais il reste quand même une soixantaine de personnes qui se sont retrouvées sans solution d'hébergement. Quoi. Alors à Rouen, on s'est mis en place, et dans l'agglomération, le 115 citoyen, c'est-à-dire que les personnes sont hébergées chez les particuliers. Bon, ce sont des initiatives généreuses, mais l'hébergement, c'est le rôle des pouvoirs publics. Et ces personnes étant hébergées chez les particuliers deviennent invisibles. Et ainsi, les pouvoirs publics considèrent qu'ils ont fait leur tâche, ils ont accompli leur tâche, ils ont fait leur travail. Le DAL s'inquiète aussi d'autres situations. Il y a un immeuble, par exemple, sur Saint-Etienne, qui s'appelle l'immeuble Sorano, dans lequel il y a de nombreuses personnes qui habitent dans cet immeuble, qui va être démoli, qui sont occupants sans titre, ils vont être expulsés sans solution d'hébergement. Quoi. Un vrai casse-tête pour nous. Quoi. Le droit au logement demande l'ouverture à l'année des centres d'hébergement d'urgence prévus l'hiver. Au moment où le gouvernement se penche sur l'élaboration d'un nouveau plan d'action pour lutter contre les violences scolaires, dans l'heure, depuis 3 ans, le département met gratuitement en place des systèmes de vidéoprotection aux abords des collèges. Ces caméras permettent de prévenir l'atteinte aux personnes et aux biens et de faire reculer les incivilités grâce à un effet dissuasif. En 3 ans, 31 collèges sur 54 ont déjà été équipés par le département qui a consacré 600 000 euros à cette mesure. Sur les recommandations de l'Agence régionale de santé en Normandie, la gestion du service des soins infirmiers à domicile de Forges-les-Eaux est transférée à la Croix-Rouge à partir de ce 1er novembre jusqu'au 31 octobre 2019. Ce service connaît en effet un problème d'équilibre financier. Selon les experts de la Croix-Rouge, financièrement parlant, la structure aurait trop de personnel pour bien fonctionner, soit 3 temps pleins en trop sur les 12 actuels. L'intercommunalité va verser 30 000 euros à la Croix-Rouge pour ce transfert de gestion. Et puis, dans un instant, un point sur les prévisions météo pour demain. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. La situation devrait s'améliorer demain avec le retour de belles éclaircies. En revanche, le thermomètre chutera un peu plus. 5 degrés sur le Pays de Bray ou encore le Beauvaisis. 6 degrés sur Gisors, les Andelys et le Neubourg. 7 degrés à Bernay, Rouen-Louviers ou encore Évreux. Et 8 degrés à Vernon. Plomberie, chauffage, dépannage, installation. JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. Il est 18h34, nouvelle demi-heure, nouveau son et nouveau tube. The Prince Karma, ça débarque tout de suite sur Espace et juste après, je vous cale un des tout derniers sons de Soprano. Ce sera À la vie, à l'amour, Soprano hein, qui reprend les concerts pour l'année 2019. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? bitches. Toujours je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sans ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit de mon dîner fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la la la. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie, à l'amour. Donc danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. À l'amour, le son de Soprano, comme ça pour vous accompagner sur la plus normande des radios, 18h42 minutes. J'espère que vous allez bien, les amis. Ne bougez pas, c'est la pub Jane dans quelques instants. All right, et on fera un point aussi sur les nouvelles technologies sur Espace. Restez bien branchés. Bon jeudi 1er novembre. Venez préparer le plus beau jour de votre vie, dimanche 4 novembre, au Salon du Mariage à la salle des fêtes de Brionne. Entrée gratuite pour tous de 10h30 à 18h30. Deux défilés, 11h30, 15h30. Tous les professionnels du mariage présents pour vous. Habillez-vous, robe de mariée, de cocktail, costume, homme, enfant, du 3 mois à la taille 66. Embellissez-vous, esthéticienne, coiffeur, bijoutier. Régalez-vous, traiteur, caviste, mais aussi spécialiste de la déco, organisateur d'enterrements de vie de jeunes filles et garçons. Des professionnels du Neubourg, Harcourt, Bernay ou encore Beaumont-le-Roger. Ils seront tous là, alors venez les rencontrer. Renseignements à l'heure des mariés au 02 32 43 32 60. Artisans du Monde, premier réseau de boutiques associatives équitables en France, vous propose plus d'une centaine de produits alimentaires, savoureux et biologiques, ainsi que des produits artisanaux de qualité. Art de la table, décoration, jouets, bien-être. Nos bénévoles vous accueillent le mercredi de 15h à 19h et les vendredis et samedis de 10 à 12h30 et de 15 à 19h. Retrouvez Artisans du Monde à Louviers, au 13 rue du Châtel, près de la place de la Halle. Besoin d'aide ? Va sur GED, le premier réseau d'échange ponctuel de savoir-faire entre citoyens. Le seul annuaire numérique sécurisé et évalué par les utilisateurs. Cliquez sur www.ged-world.org. Ensemble, rentabilisons notre temps. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace dans un instant. Vous avez des questions en matière d'urbanisme, d'habitat, de cadre de vie et de développement durable sur le territoire Seineur ou bien encore sur ses aménagements? L'agglomération Seineur vous invite à participer à l'une des 7 réunions publiques et 8 permanences organisées du 2 octobre au 14 novembre sur le thème du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme de l'habitat. Elles auront lieu sur les communes de Cricbeuf-sur-Seine, Pont-de-l'Arche, Saint-Didier-des-Bois, La Haye Malherbe, Louviers, Andé, Val-de-Reuil, Léry, Aquigny, Le Manoir et Pitre. Vous aurez ainsi réponse à toutes vos questions. Plus d'infos sur facebook.com/aglo.seine.eur ou sur le site de l'agglomération Seineur. Be. got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be jeudi le 1er novembre, c'est férié, mais c'est reparti pour une nouvelle sélection espace avec ce soir du côté de Rouen à 20h au 106, Super Organisme en concert. Et puis au théâtre à l'ouest, vous retrouverez les Vice Versa avec leur spectacle Tout ce qu'on imagine. Évidemment, au Zénith de Rouen dès 20h aussi, le groupe Indochine sur la scène avec leur 13e tour, deuxième partie. Si vous avez vos billets, profitez-en un maximum et on se dirige dès maintenant vers les événements du week-end avec depuis ce matin et jusqu'à dimanche du côté d'Honfleur au Grenier à Selles, le salon de la création mode, déco et métiers d'art. C'est tous les jours de 10h à 19h pour la 6e édition. Vous y retrouvez notamment un salon de thé et une petite restauration sur place. Et ce samedi 3 novembre, rendez-vous du côté de Saint-Aubin-d'Écrouville pour une grande soirée Halloween, paella et concert et en plus un repas dansant. Le tout donc à la salle polyvalente de Saint-Aubin-d'Écrouville. Réservation au 06 14 53 34 48. Laissez nouveau message au 0 950 35 50 50. Passez un bon jour férié et une très belle soirée avec nous sur Espace. Espace Radio. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si famille range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le jeudi 1er novembre. Ce soir sur TF1, un inédit d'une très bonne série française, Munch, l'histoire d'une avocate complètement déjantée, c'est ça qui est drôle. 23h05, New York section criminelle. France 2, un documentaire sur le GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, les nouveaux maîtres du monde et eux, ils me font vraiment flipper. 22h45, on pose la question justement, faut-il avoir peur d'Amazon ? Un peu quand même, quand tu vois leur objectif, en gros, contrôler le monde. Hein, comme ils le disent, ils n'ont aucun état d'âme, ne payent presque rien en taxes en France et presque rien à travers le monde, hein, puisque tout est dans les paradis fiscaux. Et quand on dit « vous pensez aux petits commerçants », ils répondent « non, nous on est là pour gagner de l'argent ». France 3, classique du cinéma français, La guerre des boutons, on connaît tous ça par cœur et en plus on a tous lu le livre à l'école et qui nous a traumatisés. 23h40, un documentaire, Verdun, ils ne passeront pas, revient sur une époque terrible dans notre beau pays. Canal Castle Rock, la série policière continue sa petite vie, hein, qui se passe dans une petite ville américaine surnommée Castle Rock, comme ça tombe bien. Arte, série policière également sur la chaîne de la culture et des prises de tête et des gens tout nus qui poussent des petits cris quand ils dansent. Oui, The Team pour débuter la soirée. M6, la chaîne va essayer de vous pourrir la soirée hein, si vous avez des petits enfants. Alice de l'autre côté du miroir, c'est un inédit. Le meilleur de la TNT, C8 enquête sous haute tension, 100 jours avec des gendarmes de choc, W9. Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier, c'est présenté par Issa Doumbia. TMC, l'épreuve 2, TFX, un documentaire sur les jumeaux, les triplés, les quadruplés. Mais comment font-ils ? Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Espace. Toutes les années 90 sont sur Espace. Merci d'écouter la plus normande des radios. Il est 18h55. Très très bon début de soirée. Tout le monde, en ce jeudi 1er novembre, profitez bien de votre jour férié. Vous êtes peut-être chez vous en train d'écouter la radio. C'est super cool. Il fait bon dans la maison parce que dehors il fait un petit peu frais. En tout cas, profitez bien de votre jour férié. Peut-être de votre week-end parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont faire l'énorme viaduc donc jusqu'à lundi. Et bonnes vacances à tous les autres. Et bon courage à ceux qui vont reprendre le taf demain. Ça, c'est clair. Bon courage à vous. Moi, je serai fidèle au poste. Rendez-vous demain à partir de 16h. Voici les Cranberries avec Zombie. Je vous embrasse très très fort. Bonne soirée tout le monde.

parlé il y a quelques minutes, rendez-vous au grenier à Celles d'Honfleur jusqu'à dimanche pour le salon de la création mode, déco et métier d'art. C'est la 6e édition tous les jours de 10h à 19h. Il est 19h27 et à l'instant c'était Z et LA Duet avec Apino sur Espace. Bonne soirée à tous, on passe en mode souvenir. Back in time. Écoutez le meilleur des souvenirs. 19h27 donc, et comme d'hab, vous le savez, on passe en mode souvenir à cette heure-ci. Et aujourd'hui, c'est David Bowie avec Let's Dance. Bonne soirée à tous, bon jour férié. Et si vous êtes en ce moment sur la route du Zénith de Rouen pour aller voir Indochine qui se produiront dès 20h sur la scène, eh bien, soyez prudents et puis profitez du concert. Envoyez-nous les photos sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie. Passez encore une fois un très bon jeudi soir. David Bowie, Let's Dance sur Espace en Normandie, en Picardie, du côté d'Aumale, des Trépani ou encore du Petit Quevilly où se situe le Zénith de Rouen. Ce soir, Indochine en concert, donc les tubes L'Aventurier ou encore La Vie est Belle vont résonner. Et si vous avez vos places, profitez-en un max car ça a vite été complet. 19h30, voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Lancement de la 3e édition du Mois sans tabac, un défi collectif qui consiste à inciter et accompagner tous les fumeurs dans une démarche d'arrêt du tabac sur une durée de 30 jours en novembre. Dans notre région, selon une étude, à 17 ans, près de 3 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà fumé. 30% fument d'ailleurs quotidiennement, soit 5 points de plus qu'en France métropolitaine. Cependant, sur les 18-25 ans, avec plus de 25% de fumeurs quotidiens, la Normandie se trouve en dessous de la moyenne. En 2017, près de 9000 Normands avaient relevé le défi. Cette année, en Normandie, une quarantaine de projets sont organisés pour ce mois sans tabac.